Moi, ce qui m'interpelle, c'est ce terme de distance sociale, que je trouve incroyablement inadéquat. Oui, il y a un biais de classe dans toutes les contaminations à chaque fois pour tous ces trucs. Puis à part ça, bah, ça montre aussi la manière de gérer cette affaire, parce que tu as une crise sanitaire qui est mise en totale parenthèse, parce que l'essentiel, c'est de contenir la crise économique qui nous serait de toute façon pété la gueule sans le coronavirus, mais qui maintenant va nous péter fort, fort, fort. Puis bah, sinon, puis c'est aussi pour ça que bah, on met les gens au boulot partout. En France, ils ont traité les patrons qui voulaient arrêter dans le bâtiment de défaitistes, sur un vocabulaire de guerre avec l'unité nationale, et puis tous ces trucs-là. Puis ça marche assez bien. On est tous ensemble, sauf qu'effectivement, les pauvres, ils sont plus touchés que les autres. On n'est pas tous dans le même bateau. Et puis, ils sont obligés d'aller bosser, ils sont dans les transports publics, ils sont enfin, toute la journée en commun avec. Ils sont dans l'absence de distance sociale la plupart du temps, mais dans l'entre-soi. Et on les voit pas. Enfin, à Paris, justement, à Paris, intramuros, ils voient pas les gens de Seine-Saint-Denis, sauf sur TF1. Et puis bah, après, il y a aussi l'autre biais qui est dans les familles pauvres. Il y a aussi souvent le fait de se dire bah, je vais attendre d'être vraiment, vraiment fort malade pour appeler le médecin. Au mieux, tu es au chômage technique, donc tu as le revenu abaissé de 25 à 30%. Donc il y a toute une série de mesures. C'est très, très suisse, hein. Tu dois avoir. Ils te mesurent le nombre de personnes qui peuvent aller dans chaque véhicule en fonction du nombre de places au départ. Et puis, rester dans le même véhicule qu'une même personne pendant 15 minutes maximum, donc un trajet de 7 minutes 30 aller, 7 minutes 30 retour. Ouais. Ces 15 minutes, ils sortent d'où? C'est le Seco, non, qui a dicté ça. C'est le Seco, puis la Souva, puis après ils n'en parlent plus. Et puis à part ça, bah, le problème qu'il y a, c'est que dans tous ces boulots, c'est des boulots où ils sont ensemble, donc voilà, ils ne peuvent pas respecter, enfin, sinon le travail ne se fait pas. Et puis au début, il y a un mois, bah, les gars ils voulaient pas bosser, puis maintenant, quand ils sont depuis un mois et demi au chômage technique, et ben, commence à trouver que c'est difficile de vivre avec le chômage technique. Bah, tous ceux qui peuvent se permettre le télétravail, par exemple, là, c'est évident que socialement, c'est pas tout le monde, quoi. De toute manière, enfin, le travail pour être effectué doit être ensemble, enfin, simplement social. Bon, puis ça, c'est un des trucs, je trouve qu'il y a plutôt de. Enfin, parce on se pose la question sur qu'est-ce que va être l'avenir, etc. Enfin, on ne sait pas combien de temps va durer la crise maintenant. Non. Mais dans la sortie, par contre, il y a deux, trois choses qu'on peut mettre en avant en lien avec la résonance de la crise écologique. Je trouve qu'il y a eu un tri relatif. Tout d'un coup, l'interrogation s'est posée sur les activités essentielles, non essentielles, les soins, etc. Et puis le commerce. Puis je trouve que c'est précisément les activités qui sont moins valorisées sur le plan des salaires. Oui. Puis ça peut être des pistes, effectivement, pour le futur enfin, qu'est-ce que cette crise, elle a révélé? Parce que là, elle a révélé à travers des applaudissements qu'il y a quand même une poignée assez importante, mais de salariés sur lesquels on a vraiment besoin pour continuer à vivre au sens premier dans cette Oui. société.